je ne peux sauver que vous, ou le petit, ou la pierre du temps. Jamais je n'hésiterai à vous laisser tous les deux mourir. On gagne à combien de fois? Une seule. Épargnez-le, Thanos. Et je vous offrirai la pierre. Il n'y avait pas d'autre moyen. Stark, vous savez que c'est un aller simple. Vous allez y laisser la vie, Tony. Je refuse d'y participer. À quoi sert d'être en vie, si on n'a pas de raison de l'être? Je ne suis pas fou, Pepper. Je viens seulement de comprendre quelle est ma mission. Et au fond de mon cœur, je sais qu'elle est juste. Vous avez si bien veillé sur moi. J'étais dans une mauvaise passe et vous m'avez aidé, alors... Je pense que c'est la dernière fois que nous sommes réunis, tous les trois. Tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Vous jouez au dur sous votre armure. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Je connais des gars sans rien de tout ça qui en valent 10 comme vous. J'ai vu ce que vous faites. Le seul pour qui vous vous battez, c'est vous. Vous n'êtes pas le genre à savoir vous sacrifier. Moi, je suis... Ce nouvel épisode de Marvelicious, épisode chill à la cool, qui a pour objet de parler aujourd'hui des super vilains de l'univers Marvel, plutôt du MCU plus précisément. Il y en a plein de super vilains Marvel, mais on va parler de celui de ceux du MCU, et j'en ai choisi trois aujourd'hui parmi tant: Thanos, Loki et Ultron. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai trois superbes personnes. Bonjour Pauline. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu. Ouais, je sais plus quand j'étais là la dernière fois. Moi non plus. Du coup, on était triste avec Olivier. C'était horrible. Ah ouais, je suis désolée. Je me rattrape. Et on a Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va. Amandine, qui est la sœur de Pauline. Amandine, Pauline. Oh, c'était fait exprès ou pas d'ailleurs? J'ai dit, bon, c'était... Non. Amandine, Pauline. Même pas. Non, hasard. Même pas. Et le beau Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Oh, tu fais toujours la ASMR, hein, je sais que t'aimes. Ouais. Aujourd'hui, t'as pas de disco, puisque c'est chill aujourd'hui. Ouais, c'est chill. Donc c'est une petite mélodie douce. Mm. Voilà. On va faire un petit truc chill, sympa. J'ai toujours pas mon café. J'espère que vous avez votre café. Même pas. Le thé. Le thé à quoi, le thé? Jasmin, là. C'est le dernier qui me reste du Marvel, de l'hôtel. Ah bah voilà. Que j'ai ramené. Ah oui, t'as pas... C'est ce que tu voles dans le... C'est que tu voles dans le tiroir, quoi. C'est que tu voles dans la commode. C'est celui que j'ai pas consommé sur place. On va parler, comme je disais tout à l'heure, de trois super-héros. Super vilains, ou super héros d'ailleurs, pour certains ça peut être des super héros, on verra ça, de trois super vilains que j'ai dit tout à l'heure, de Thanos, Loki et Ultron. Il y en a d'autres, pourquoi pas faire un autre podcast chill sur d'autres super héros du super vilain, tu vois, et on a tellement l'habitude de parler des super héros qu'on parle jamais des super vilains. Voilà, on va parler de café. Mon épousée vient de m'emmener le café, merci mon ange. Elle dit même pas de rien. Aujourd'hui, on va parler de Thanos. Vous ne pouviez pas vivre face à votre échec. Et ça vous a mené où? Vous revoilà. Je croyais qu'avoir éliminé la moitié des vies permettrait à l'autre moitié de prospérer. Et vous m'avez prouvé que c'était impossible. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Ils résisteront. Ouais, parce qu'on était tués comme des mules. Ouais, et je vous en remercie. Parce qu'à présent, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais pulvériser cet univers jusqu'à son dernier atome. Et ensuite, avec les gemmes que vous avez collectées pour moi, j'en créerai un nouveau. Un univers brouillant de vie, qui ne saura pas ce qu'il a perdu, mais seulement ce qui lui a été offert. Un univers reconnaissant. Mais né de la mort. Ils n'en sauront jamais rien. Que vous ne serez plus là pour le leur dire. Thanos qui est, je pense, qui est le super vilain qui nous a tous principalement marqués. Bon, Thanos, je vais pas revenir sur ses origines. Hein, il est appelé, parce qu'il y a suffisamment d'éléments, puis on avait déjà parlé avec Mika à une époque, donc appelé le Titan Fou. Il est celui, en fait, où on a plusieurs films du MCU, d'ailleurs, chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, du MCU, où on va avoir Thanos qui va être à la recherche des pierres de l'infinité. Voilà. Et on verra après pourquoi, etc. Thanos, alors, Pauline, Amandine, Olivier, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que pour vous, Thanos est un bon super-vilain? Est-ce qu'il vous a plu dans le MCU? Est-ce que pour vous, il était marquant? Tu m'étonnes. Marquant, pour être marquant, ouais. Il a tous les critères du vilain, par excellence. C'est-à-dire ? Sa carrure imposante, sa manière de procéder, son mental, c'est vraiment l'archétype du vilain même, et je pense que c'est pour ça que tout le monde l'adore, mais lui, il est quand même un peu poussé, je trouve. Et c'est ça qui plaît. Il est très subtil. Ouais. C'est un seigneur de guerre. C'est un méchant qui ne croit pas l'être, en fait, en plus. Oui, justement. Je pense que chaque méchant pense ne pas l'être. Lui, il est persuadé de faire le bien. Ouais, complètement. Oui. Alors que les méchants, voilà. Voilà. En fait, il pense qu'une population trop massive, en fait, son idée, c'est que pour lui, une population qui est beaucoup trop massive finira en fait par épuiser toutes les ressources de l'univers, et que pour lui, eh bien, il faut réduire, si on peut dire ça, de moitié au moins, la population de l'univers pour ne pas épuiser toutes les ressources. Sa motivation, c'est celle-là, et il craint que du fait qu'en fait la population de l'univers est tout le temps en croissance, il craint non seulement d'épuiser toutes les ressources de l'univers, mais il craint qu'en épuisant ainsi toutes les ressources de l'univers, bah, du coup, il n'y a plus aucune vie dans l'univers. Parce qu'il n'y a plus de ressources, donc du coup, il n'y a plus de vie. Et pour lui, du coup, il se sent être un homme de bien en voulant réduire l'univers en population pour moitié, si je ne me trompe pas. Voilà. Quel était pour vous le film le plus marquant, notamment avec Thanos? Endgame, mais Infinity War aussi, en fait, c'est vraiment les deux, parce qu'ils sont reliés les deux, forcément, et on a eu des pertes dans les deux par sa faute, donc les deux, je pense qu'après, c'est un peu équitable, je veux dire, entre les deux, parce qu'on a vraiment des pertes dans Infinity War et dans Endgame. Moi, je le préfère dans Infinity War, de toute façon, je préfère Infinity War par rapport à Endgame, j'adore les deux, hein, mais... Je trouve qu'Infinity War est meilleur encore. Ah, est-ce que les gens, ils pensent tous, enfin, ils disent de manière générale, quand tu les questionnes, c'est tous Endgame avant Infinity War, en fait. Non, moi, je trouve mieux construit le film. Je trouve, et puis la fin laisse un suspense insoutenable. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Donc, Thanos a des pouvoirs et capacités aussi spéciales comme super vilain, parce que c'est un super vilain. Donc, il est très fort. C'est un titan en même temps. Il est rapide, il est endurant. T'as l'impression qu'il est aussi immortel. Bon, il ne l'est pas, mais on a cette impression-là où il est immortel. Et il a un niveau d'intelligence assez... c'est un seigneur de guerre. Donc assez élevé. Et il est connu pour être, de manière générale, résistant aux blessures. Donc son objectif, dans les premières phases du MCU... On le voit au fur et à mesure des films, je pense qu'on est d'accord dessus, c'est de récupérer les pierres de l'infinité, pour réduire, qu'il met sur son gant et qu'il fait le fameux blip, qui est l'événement qui est connu pour réduire de moitié l'univers de comment de sa population. Voilà, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Pour vous, dans je trouve que moi, il n'apparaît pas non plus. Enfin, il apparaît surtout dans les deux derniers. Il est vraiment constant. Avant, tu l'entends un petit peu. Enfin, tu l'entends. Tu vois apparaître, quoi. Ou il est sous-entendu. Ouais, vous avez aimé cette apparition progressive ou pas de Thanos comme super-héros? Ouais, c'est dans les premiers Avengers qu'on le voit, non? Tout à la fin. Ou il a un aspect un peu différent. Je crois que dans une scène post-générique, il y en a un où il apparaît. Mais après, je pense qu'il a été... C'était surtout mentionné juste par le nom. On voit sa tête. Je crois que c'est à la fin du premier Avenger. Il n'a rien à voir avec sa tête sur la fin de la phase. Des phases. Ouais, il est un petit peu différent. Ouais. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est l'amener en fait de manière progressive, parce que déjà ça garde un petit peu le suspense. On le connaît pas de suite, donc tu peux te faire plein de films sur lui. Enfin, tu t'imagines plein de choses. Tu essaies de voir comment il est, à quoi il pense. Tu essaies un peu de te mettre à sa place pour savoir comment il réagit, comment il pense. Je trouve ça super. Et après, ça fait un peu comme dans les livres de manière générale, hein, quand tu découvres un personnage et que à la fin tu découvres tout de lui, tu vois comment il est. Et je trouve que le maintenir comme ça, le spectateur en haleine, je trouve ça génial, quoi. T'en penses quoi, toi, Amandine, de sa motivation? Parce que, en fait, quand tu regardes bien, c'est qu'il veut, au final, d'une certaine manière, conserver la vie dans l'univers. Voilà, c'est ça. Et je pense que, comme on a dit tout à l'heure, il est. Ouais, lui pense faire le bien, en fait, et on n'a pas l'impression qu'il ait conscience de tout ce qui se passe autour de lui, des conséquences que ça va avoir. Et je trouve ça super intéressant. Et toi, Olivier, t'en penses quoi de sa motivation? Quand tu y réfléchis, il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire que si t'as un monde devient surpeuplé, on en parle même pour notre planète, hein, le problème, à un moment donné, ça va être les ressources. On commence même, nous, déjà à manquer de ressources. Oui. Donc, sa motivation de base est réaliste, finalement. En fait, donc, la problématique, c'est ça qui est glaçant, parce que et c'est pour ça que le personnage est intéressant, parce que finalement, quand tu t'es un peu entre, tu le comprends. Après, la manière dont il le fait, c'est assez horrible, mais tu te dis finalement, ses motivations sont pas si si c'est négatif, mais c'est compréhensif, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. On entend son inquiétude, mais la solution n'est pas la bonne. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est quoi la solution? C'est ça. T'as pas assez de ressources. Comment tu peux faire? Mais bon, c'est passionnant. Ouais, c'est clair. C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est un méchant. C'est un méchant, comme tu dis. Du coup, il a toujours ce caractère de méchant. On verra tout à l'heure sur du moins le deuxième que l'on verra. La grosse question, c'est est-ce qu'il est vraiment méchant? Mais c'est vrai que Thanos, c'est un bon méchant. Enfin, on a vu des films Marvel, du MCU, les méchants. Oui. On n'est pas d'accord pour certaines personnes, mais les méchants de la Guardians of the Galaxy 3. Voilà. Ben, en fait, c'est le méchant où tu te dis, c'est vraiment un méchant, parce que toi, quand tu regardes le film, ce que tu ressens en regardant tout ce qui se passe, tu le ressens pas forcément avec tous les méchants, en fait. Tu vois, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais parfois tu te dis que tu as trop envie d'intervenir dans le film pour éviter qu'il se passe des trucs, parce que justement, il joue bien son rôle. Donc, il a été marquant, quoi. Et tout le monde en parle encore aujourd'hui. Et puis, si le MCU, il est comme il est actuellement, si tous les films, ils sont comme ça maintenant, à cause de lui. Oui. Tout part de lui. D'ailleurs, tu parles du méchant de Guardians of the Galaxy 3, ils ont un peu les mêmes motivations. Hein. Mais tu regardes de manière générale, les méchants, ils ont tous une motivation. C'est la solution. Là, c'est pareil, c'est lui, c'est améliorer le monde, faire un peuple pacifique, etc. Parfait. C'est ça. C'est un peu le même but, en fait. Ils veulent idéaliser un monde. C'est vrai. Oui. C'est un bon méchant, on est d'accord. Oui. Qu'on adore détester. Il a eu un impact assez marquant d'ailleurs pour les Avengers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, justement, en fait, c'est un méchant aussi qui rassemble. Certains ne rassemblent pas, mais celui-là rassemble parce que c'est ce que on parlait, c'est qu'en fait, à un moment donné, les Avengers s'étaient séparés depuis Captain America Civil War. Et Thanos a réussi, dans sa quête au pire de l'infinité, eh bien, à rassembler les Avengers qui étaient séparés. Et c'est encore, c'est marquant, c'est dans le début d'Endgame, quand Tony Stark revient de l'espace. On a encore ces réminiscences de rivalité, mais on voit quand même que ça, que bon, on a un méchant commun, faut le combattre et ils ont réussi à se rassembler. Voilà. Quels sont les événements marquants, les événements de l'ensemble des films que l'on a vus avec Thanos, qui vous ont marqué? Moi, j'en ai noté trois qui m'ont marqué. Après, peut-être que vous en avez d'autres. Notamment, l'une des premières qui m'avait marqué, c'est dans la scène d'ouverture d'Infinity War, où Thanos met une raclée à Hulk. Mais violente. Ah oui. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était dans les rues, non? Non. Attends. Non, c'était dans l'espace. C'était à la... C'est la suite de Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, ouais. Ah oui, oui, oui. Okay. J'ai rien dit. Et d'ailleurs, ça a eu des conséquences assez néfastes pour Bruce Banner, si vous vous souvenez. Oui. Mm-hmm. Parce qu'il n'est plus depuis, il n'est plus le même. Ouais, c'est après, ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est là où on voit un méchant qui peut marquer aussi des Avengers quand même. C'est un méchant qui fait peur. La deuxième, alors ça, c'est à chaque fois que je vois cette scène-là sur TikTok ou Instagram, quand je scroll, ça me met les poils. Voilà, je sais pas vous. Voilà. C'est la confrontation qu'il a avec Captain Marvel. Ah oui. Quand Captain Marvel arrive, alors c'est à la bataille finale, elle détruit la flotte en fait de Thanos. Et elle lui met une branlée, mais magistrale. Ça dure pas longtemps. Hein. Ouais, mais bon, moi, ça m'a marqué. Parce qu'en fait, c'est la seule qui a réussi vraiment à le... C'est ça. À le frapper, quand tu regardes bien. C'est ça. Ouais, bah, elle a réussi à le vaincre. Quand elle se casse les pieds depuis le début, il fallait appeler Captain Marvel, en fait. Bah, c'est ça. Bah, comparé aux autres, en fait, c'est la seule qui arrive à utiliser la force pour le vaincre. Mais pour la vaincre, de toute façon, il est obligé d'utiliser une pierre. Donc... la troisième qui m'avait plutôt, on va dire, marqué, c'est la confrontation qu'il avait avec Vision. C'est quand en fait il récupère en fait. J'ai trouvé ça horrible, la mort de Vision quoi en fait. Ouais, elle est horrible. Ouais, c'est glauque. Hein. Alors, vous en avez pensé quoi de cette scène-là, vous, Amandine par exemple, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai pleuré. T'es comme Pauline, tu pleures tout le temps, toi. Non, je l'ai trouvé super triste parce que il y avait juste avant, et ben, il avait un espoir de pouvoir se construire une nouvelle vie. Il y avait des projets et puis finalement, il y a tout bascule en fait en un quart de seconde. Et quand tu le vois partir comme ça, tu te dis mais non quoi, c'est dur. Ouais. Parce qu'il était chouette comme personnage, je trouvais que c'était un peu différent des autres. C'était gentil SM, hein. Ouais, c'est ça. Et ouais, j'ai trouvé ça dur. Ça montre bien que Thanos va jusqu'au bout de ses convictions, en fait. Ouais, ah totalement. Ouais. Jusqu'à tuer. Parce que quand on regarde, que je me suis noté ça, c'est que. Il tue sa propre fille, quand même. Hein. Il tue sa propre fille, ouais. Mm. Il tue sa propre fille pour obtenir la pierre de l'âme. Donc tu te dis, il est vraiment motivé, quoi. Puis il le fait, je trouve, un peu facilement, quoi. Un peu froid. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tiens, allez hop, sur la falaise, vas-y. Et puis voilà quoi. Ça m'a. Bref. Moi, ça m'a marqué cet événement-là. Alors, est-ce que pour vous, il y avait d'autres événements qui vous ont marqué avec Thanos? La scène avec Loki aussi dans le début de. C'était le début de Endgame ou de Infinity War? J'ai un doute. Infinity. De Infinity War. Je crois que c'est dans Infinity War tout court. Hein. Ouais. C'est quand il étrangle. C'est ça. Ah, moi, j'ai... Ouais, c'est quand il torture sa fille, Médusa, c'est horrible. Oui, je voulais le dire aussi. C'est vraiment une scène qui m'a marqué, moi aussi. Et avec Iron Man aussi. Ouais. Franchement, celle-là, c'est aussi une des... Ah, celle-là, elle est affreuse. Enfin, je pense que le moment où on a tous lâché. Ouais. C'était trop. Il manque Iron Man. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'il manque. Oui. C'est vrai. Depuis, hein, le MCU n'est plus pareil. Ah, mais complètement. Depuis qu'il est plus là, tout s'effondre. Depuis qu'il n'y a plus les anciens, de toute façon. Oui, ben c'est ça. Ça s'effondre quand même. Mais Iron Man, il manque. C'est ça fait un trou. Hein. Ouais. Ah oui, avec Captain America, c'était les deux piliers. C'était vraiment. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que là, ça manque quand même. Ouais. Après, ils vont peut-être le sentir et ils vont peut-être réagir. On trouve un moyen de les faire revenir. On espère. Ouais, mais moi, je veux que ce soit les vrais qui reviennent, pas ceux d'une autre ligne. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'après, eux, ils vont trouver la facilité de faire des variants. Ouais. Et, mais je pense qu'ils peuvent. Il y a moyen de faire quelque chose avec les vrais. Ils vont trouver une histoire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Hein, mais c'est ça. Bah, oui. Avec le multivers, c'est magique. Hein, donc, Ouais, mais moi, je veux pas ceux d'une autre. Moi, je veux les nôtres. Voilà. De Terre 600. Bah, le tien, c'est pas possible. Il est mort. Hein. Tony Stark est mort. Ça, c'est sûr. Chut, dis pas ça, c'est horrible. Mais tu sais que, je sais pas si. Enfin, t'as, quand tu vas sur TikTok ou Instagram, quand tu vas sur des reels, il y a souvent la scène d'Iron Man qui revient en boucle avec où il combat Thanos et à la fin, et puis il fait clac. Et puis t'as. Clac, ouais, celle-là, ouais. Et il y a une scène coupée, je crois, où tout le monde plie le genou, je crois, non ? Et qu'ils ont jamais mis. Ah ouais ? Il n'y a pas une scène coupée. J'ai cru comprendre qu'il y avait une scène coupée. Je regardais. Scène ouais, coupée, c'est possible. Une scène coupée, en fait, quand Iron Man meurt, et tout le monde ploie un genou au sol. Oh, c'est dommage. Oui, je l'ai vu sur TikTok. Si, c'est ça. Oui, il y a une scène coupée sur la mort d'Iron Man. Je vais vous le mettre dans le, oui. On a dans tous le chat. Mêmes. Et en fait, la scène coupée qui n'a pas été inclue, en fait, c'est comment il, c'est bien dommage. Je crois qu'il ploie le genou. Je me demande si. Je crois qu'il ploie le genou. Mais je ne suis pas sûr de moi sur le coup. Mais c'est assez émouvant, quoi. Ouais, voilà. C'est celle-là, ouais. Celle-là, parce que là, j'ai sous les yeux. Ouais. Mais bon, on a une pub, mais oui. Vous la verrez. Mais en fait, il meurt et puis tout le monde ploie le genou. Mm. Comme si. C'est comme si c'était un roi. En même temps, Captain America, il dit sans cesse que c'était le meilleur défenseur de la Terre. Mm-hmm. Voilà. Exact. Donc, mais voilà, tu vois, on est en train de voir la scène, ça m'émue. Je tourne la tête, je veux pas le voir. Et ça prouve encore une fois que c'est lui le pilier, quoi. Ah, complètement, ouais. Ouais, c'est clair. Mais, ah bah c'est bon, ouais. Donc je le mettrai en lien. Ouais. Mais, vous voyez que tout le monde ploie le genou, en fait. Et celle-là, je pense que ils auraient dû la garder quand même au ciné. Oui. Je pense que. Oh, Chadwick Boseman. Ouais, Chadwick Boseman. C'est dur là. Ouais. En fait, c'est pour ceux qui ne le voient pas, en fait, il y a Hawkeye qui baisse le genou en premier, suivi par Black Panther, Captain Marvel, Star-Lord, et puis Medusa, et puis tout, Valkyrie. Et puis après, tout le monde se met à foire le genou. Vous voyez, quand on la voit, cette scène-là, ça. Là, c'est Val qui pleure. Hein. Ah, voilà. Bien joué. Alors là, c'est excellent. Il faut bien que je remplace Tony. Ouais, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est fait. Ouais, voilà. Ouais. Mais on a. Donc cette scène a duré à peu près 1 minute 40. Ouais, 1 minute 40, c'est ça. Et en fait, tout le monde tient. Il y a la copine d'Olivier. Il y a Gamera. Tout le monde ploie le genou. Voilà. C'est assez émouvant comme scène. On peut la regarder tout le temps. C'est. Dommage de l'avoir enlevé. C'est dommage. Ils vont peut-être enlever. C'est qu'ils ont une version longue. J'aimerais bien. Une version genre Director's Cup comme ils ont fait pour Justice League. Ah non, c'est différent. Justice League, c'est plus le même film. Hein. Oui, c'est plus le même. Il a tout refait. Enfin, il a. Oui. Oui, j'avoue. Oui, j'avoue qu'ils ont tout refait. Bon, voilà pour Thanos. Je pense qu'on a fait le tour de Thanos globalement, mais bon, c'est un méchant qui nous a marqué tous, en tout cas, avec. Oui. Avec une motivation sans doute noble, mais la solution n'était pas la meilleure. On va dire ça. Voilà. Et qui a beaucoup impacté les Avengers. Le deuxième méchant que je vous propose, c'est Loki. L'amour est une dague. C'est une arme qu'on peut manier à bonne distance ou à bout portant. Et on y voit son reflet. C'est merveilleux. Jusqu'au moment où on se blesse. Alors, j'ai hésité à mettre super méchant, super vilain. Voilà. Donc Loki, c'est le fils biologique de Lofey, qui est le roi des géants des glaces. Et Odin a récupéré, je résume en gros, a récupéré Loki et l'a emmené avec lui à Asgard pour l'élever comme son fils aux côtés de Thor. Voilà, j'ai réduit énormément. Mika sera pas content, mais je ne sais pas le voir. Hein. Mais on peut dire tellement de choses sur Loki. Sa motivation principale à Loki, c'est qu'il a une soif, un désir de pouvoir continuel. Il veut toujours devenir le roi de quelque chose, si vous vous souvenez bien. Il a le désir d'être reconnu par son père, comme Thor est reconnu par tous comme le fils suprême de Odin. Voilà. Du coup, lui, il estime qu'il doit être l'égal de son frère et il n'a pas ce ressenti. Et en fait, je m'en souvenais plus, mais en travaillant le sujet, j'avais zappé qu'il essayait d'usurper le trône d'Asgard. Si, oui, dans les premiers, ouais, c'est vrai. Dans les premiers, en fait, dans les premiers. La chose que je me suis demandé, c'est que j'ai cherché sa motivation, c'est son désir de pouvoir, de reconnaissance, mais au-delà de ça, en fait, bon, ça c'est par rapport à Thanos qui était une motivation collective, voilà, on va dire ça. Lui, c'était une motivation plus égoïste, on va dire personnelle. Ouais. Voilà. Mais au final, est-ce que vous la connaissez réellement, sa motivation? C'est parce qu'il se sent rejeté. Ouais, j'allais dire, c'est parce ça. Parce qu'il a été adopté, donc il se... Il se cherche et il cherche sa place. Ouais, c'est ça. Ce pour lui, comme il n'est pas vraiment... Il a été adopté, si tu veux, donc il a du mal à le vivre par rapport à Thor, entre autres. C'est pour ça qu'il... Enfin, il le dit d'ailleurs, non, je ne sais plus quel film. Hein. Mm-hmm. Il dit, je ne suis pas ton frère. Il dit à Odin, je ne suis pas ton fils. Tu m'as adopté. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai. Il prend même, d'ailleurs, je crois qu'il prend même il prend même la. Odin, il doit être dans le coma, à mon souvenir, et puis il a pris le physique de son père, à mon souvenir. Oui, oui. Exact. Donc, cette scène est incroyable. Oui, c'est là où Thor est fait, il y a un problème là. Ouais, elle est incroyable celle-là. Papa, il n'est pas comme ça. C'est pas... Ce qu'on peut pas lui enlever, en tout cas. Oui, dis-moi, lui. Mais en fait. Il est vraiment méchant dans le premier Avengers. Hein. Puis après, c'est toujours ambigu, mais on peut dire qu'il commence à devenir gentil à la fin de celui-là. Quoi. Oui. En tout cas, c'est lui qui a été, pour moi, le premier super vilain avant Thanos dont on a eu connaissance. Oui, parce que dans Avengers. Ouais. Thanos était celui qui était, on va dire, sous-jacent. C'est ça. Il était là au début, et sans trop être là. Et Loki, lui, était là dès le début, et c'est d'ailleurs lui, ce super vilain, qui a formé les Avengers. Mmh. Et c'était lui le premier adversaire, il avait tenté d'envahir la Terre. Voilà. J'ai ce souvenir, moi, du premier Avengers, où justement, il y avait un dialogue entre Loki et Iron Man. Où on voyait bien que Tony Stark était le chef des Avengers face au super vilain qui les a réunis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cette scène-là était assez marquante dans le sens on se dit ça, c'est bon, c'est Loki qui a réuni les Avengers, quoi, qui a créé. Ouais. La fameuse scène mythique où t'entends la musique d'ACDC, tu sais, puis il arrive au loin et puis il affronte Loki. Enfin, il le provoque plutôt. Il le provoque, effectivement. On pourrait rester là sur ce personnage-là et se dire dire voilà, c'est un super vilain, mais c'est pas forcément un super vilain, ce que tu le disais tout à l'heure, Olivier. C'est qu'en fait, à un moment, Thanos, on l'a pu utiliser. Voilà, il meurt, terminé, on n'en parle plus. Dans le MCU, Loki est étranglé par Thanos et ils auraient pu faire pareil. Il meurt, on n'en parle plus. Et Loki, Marvel a pris la décision de le garder par le biais des séries, notamment. Mmh. Et je pense qu'on est tous d'accord dessus, c'est que dans la série, c'est plus le même. Non, du tout. Non. Complètement. Mais parce que c'est pas la même version que celui qu'il y a de base, étant donné que c'était par rapport au moment où ils retournent dans le passé, quand ils vont chercher la pierre. Et... Oui. C'est un Loki. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu dans. J'arrive pas. C'est pas le. Ouais, mais c'est pas le même. C'est vraiment encore un autre. Même s'il a le même caractère, le même physique, les mêmes motivations. Je me demande si le Loki qu'on avait de base, si ça aurait été le même, tu vois, après, s'il était resté en vie, tu vois, par rapport à celui qu'on a eu, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Si, ouais. Si, en fait, explique, c'est pas le Loki mature qu'on a connu. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Olivier, toi, tu as bien aimé de ce qui est devenu Loki aujourd'hui, ou pour toi, il fallait que ça reste vraiment un super vilain comme non, dans justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il est ambigu. C'est pour ça qu'il est attachant, parce qu'il est méchant plus parce qu'il souffre, en fait. Mm-hmm. Et puis, tu vois, il se sacrifie, entre dans les Avengers, enfin, tu vois qu'il a quand même un cœur. Mm-hmm. Et puis voilà, c'est un méchant très très intéressant parce qu'il est très ambigu, il peut être très méchant comme il peut avoir un cœur de glace. Ouais. Oui, un cœur de glace, ouais. Ou un géant de glace. Et non, moi j'aime bien justement parce que pour moi on l'aime parce qu'il est ambigu et justement tu te méfies toujours de Loki en fait. Même quand c'est dans les phases où il est gentil, tu te dis oulala, mm-hmm. Est-ce qu'il est pas en train de manigancer quelque chose? Et même après avoir vu la saison 2 de Loki, tu t'en méfierais? Là, non. Parce que je t'avouerais que moi je m'en méfiais au tout début de la saison 1. Oui. Et au fur et à mesure de la série, pour moi, la saison 2 peut-être pas, oui, t'as raison. Oui. C'est vrai. Parce qu'il a quand même évolué ce personnage. Il est passé de super vilain à super héros quand même. Ouais, c'est ça. Ben, merci. Enfin, ils ont bien fait de l'avoir gardé parce que, on va pas se le cacher, Loki maintient le MCU debout. Hein. S'il n'y avait pas eu Loki, je pense que. Bah déjà, c'est Deadpool 3, ça part à... C'est une suite à ça, hein. Un peu. Oui, est-ce qu'il y a le TVA? Exactement. Dans Deadpool 3. Ouais. Mais et bon, après, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est cette fansphère qu'il y a autour de Loki. Enfin, tu vas dans le parc, dès qu'il apparaît, les gens ne vont pas vers Thor. Hein. Non. Ils vont vers Loki. Enfin... Après, je pense que ouais, mais c'est surtout un lien déjà que les gens ils ont avec l'acteur. Oui. Ça part de l'acteur aussi, tu vois. Même si à Disney, en fait, ça part de l'acteur. Les gens du coup apprécient le personnage et du coup les gens quand ils vont sur le parc, ils voient le personnage, même si c'est pas l'acteur, ils associent en fait tout ensemble, tu vois. Hein? Mais ça part principalement de l'acteur. C'est l'appréciation de l'acteur de comment il interprète Loki, tu vois. Je me demande est-ce que si quelqu'un avait joué quelqu'un d'autre avait joué Loki, est-ce que ça aurait été le même engouement? Parce que moi, je me dis que... Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est surtout relié à Tom Hiddleston. Ouais, aussi. Ouais. Et puis après, si tu regardes, même si tu as le choix entre Thor et Loki, je pense que de manière générale, les gens vont plus aller vers Loki. C'est un personnage, comme il disait Olivier, il est assez ambigu, il est assez... Ouais, t'es un personnage dont tu te méfies beaucoup, mais je trouve que c'est le personnage qui évolue le plus dans l'univers. C'est vraiment lui, tu vois vraiment la progression et je trouve ça super intéressant. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens y attachent de l'importance parce qu'on s'accroche à lui. Il est incroyable quand même. Il est intéressant, ça. Totalement. C'est vrai qu'il a une personnalité très intéressante. Très riche, hein, c'est par rapport à charisme. Thor, par rapport à Thor, c'est Thor, voilà, c'est un super héros. Il a le marteau, enfin, il l'avait. Et voilà, tu vois, ça s'arrête là. Thor, à côté, au fur et à mesure du temps. Il passe pour un héros bête. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors que Loki passe pour un super vilain devenu super héros, mais intelligent, plus intelligent que Thor. Ça, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc, il continue d'évoluer. Oh, il est extrêmement intelligent, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais au final, au bout du bout, il a eu ce qu'il voulait. Il voulait un trône, soif de reconnaissance. Et au final, voilà, il a eu ce qu'il voulait. Ah oui, on a aussi pleuré là. Enfin, moi j'ai pleuré. Je pleure tout le temps, Pauline, c'est un truc de fou quoi. Elle est comme ça, vraiment, Amandine, est-ce qu'elle est comme ça, ouais, Pauline? Oui. Ouais, ouais. Oh, non. Si, elle est super émotive. Un hérisson écrasé sur la route. Oh non. Okay. Ouais. On va pas rappeler quand on allait voir les Gardiens de la Galaxie 3. C'est bon. Rien à voir, mais quand la Luciole elle meurt dans La Princesse et la Grenouille, tu peux être sûr qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, elle va pleurer. Voilà. Même dès qu'elle voit une luciole dans le jardin, c'est pareil. Voilà. Maintenant, quand je vois des ratons laveurs, c'est fini. Okay, quand on était au Canada, quand on a vu ratons laveurs, j'étais au bout de ma vie. Vous avez des guns avec eux, non? Non. Non, c'est bon. Non. C'est pas de pistolet. Dommage. Dommage. Donc, Loki. Donc, si j'ai bien compris, c'est un super héros devenu super. Un super vilain devenu super héros que vous appréciez. Pour moi, c'est devenu vraiment un super héros. Et honnêtement, maintenant, j'ai plus de doute, c'en est un. Les doutes allaient jusqu'au début de la saison 1. Ouais. Mais au fur et à mesure du temps, sur la saison 2, je me dis, bon, c'est un super héros, ça y est. Après, à votre avis, comment il va être maintenant? Comment il va être présenté? Est-ce qu'il va être sous-jacent ou est-ce qu'on va le revoir? Je sais pas. Moi, je pense qu'il cache quelque chose. Je pense qu'il prépare un truc. Mais je sais pas. Moi, je dis oui et non. J'ai pas envie d'être trop optimiste et après d'être déçue. Surtout que Tom Hiddleston, quand il est allé chez Jimmy Fallon. Ouais, ou Graham Norton, il a dit que c'était là. Pas qu'il s'arrêtait, mais un truc du style. Moi j'ai envie d'être optimiste. Tom Holland avait dit qu'il faisait que 3 Spider-Man et en fait, dans la foulée, il a signé 3 autres. Voilà. Hugh Jackman avait dit qu'il ferait plus jamais Wolverine. Oui. T'inquiète pas, ça dépend du chèque, hein, Pauline. Là-dessus, t'inquiète pas. Oui, hein. Oui. C'est vrai que s'il y a un bon chèque derrière, il y a un moyen que. Mais oui. Je pense qu'ils n'en parlent pas trop. Je pense qu'ils essayent de garder un petit peu le suspense aussi pour que ça attire du monde, que ça fasse effet de surprise. Tu vois, vraiment. Moi, je suis sûre qu'il va revenir. Tant qu'ils ne nous le foutent pas avec Sylvie, là, c'est bon. Ouais. Ah ouais, non, Sylvie. Hein. Oh. Peut-être parce qu'on verra... que tu es jalouse, c'est pour ça. Peut-être qu'on va l'apercevoir dans. Bien sûr. Toutes les femmes sont jalouses. Moi, je pense qu'au début, il va être sous-jacent et après, il va apparaître. Ouais. Je pense et d'ailleurs, je pense que quand il va apparaître, c'est devant Thor. Pour réunir les deux femmes. Oui. T'es obligé de les réunir. Oui. D'ailleurs, il y a un Thor qui est prévu. Encore ? Mais c'est plus Taika Waititi, je crois. Hein. Ah non. Pas ça. Ouais, mais Ragnarok était bien. Ragnarok. Moi, j'adore Ragnarok. Oh. Et pas Love and Thunder un peu moins, mais. Le Thor 5, effectivement, va sortir. Mais clairement, je veux pas. Voilà. La seule bonne nouvelle que j'ai, c'est que c'est plus le même réalisateur. Voilà. C'est pour moi la bonne nouvelle. Voilà. Enfin, quand tu vois. C'est pas lui qui a fait The Marvels, hein. Et c'est le pire film du MCU, pourtant. C'est pas le réalisateur qui fait, c'est le scénario surtout. Oui. Ouais. Oui, mais bon. L'acteur il joue beaucoup. Enfin, même si t'as. Enfin, l'acteur il joue beaucoup. Tom Hiddleston, si c'est pas lui, tu vois qui toi. Donc, c'est difficile. Hein. Même si t'as un mauvais scénar ou un scénar potable, si t'as Tom Hiddleston, ça passe. Bah, je trouve qu'avec certains acteurs, même si t'as un scénario pas terrible, ça passe. Oui, c'est vrai. Enfin, après, je sais pas. Olivier. Il est perplexe. Il a un charisme, c'est comme Robert Downey Jr. Tu peux pas imaginer quelqu'un d'autre interpréter Loki. Tu peux pas imaginer quelqu'un d'autre faire Iron Man, quoi. C'est pour ça que les gens, quand ils disaient Tom Cruise, je me suis dit, oula. Iron Man alternatif, ça pourrait le faire. Tom Cruise, ça le ferait. Attends. Après, il serait pas du tout. Je le vois pas. Je le vois pas déconnant comme il pouvait être, tu vois. Robert Downey Jr. Un Iron Man plus sérieux, alternatif, pourquoi pas. Tom Cruise, ça peut le faire. Après, dans Night and Day, tu vois, le style est un peu comme il est dans and Day. Ouais, mais c'est des films... c'est un peu polar thriller, il est bien là-dedans, moi, je trouve. Après, quand... À voir, je sais pas. C'est pas un acteur que j'aime personnellement de base. Non, Tom Cruise, j'aime... Oh, c'est pas... Il est bien... Dans certains films, il est bien. Dans les James Bond, il est très bien. Dans... comme tu dis, dans Night and Day, il joue Mission Impossible, tu veux dire. Mission Impossible. Mission Impossible. James Bond, c'est Daniel Craig. Ouais, j'avais la tête de Daniel Craig en plus. Daniel, tu mets Tom Cruise sur le corps de Daniel Craig. Il est plus masse quand même, Daniel Craig. Ça irait, hein, dans James Bond aussi. Ouais. Dans Top Gun, il est bien. Daniel Craig, il est bien quand même en James Bond. Oui, ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais ses films, il ne fera plus. Ça dépend du chèque. C'est quand tu vois le dernier James Bond, il fera plus, c'est sûr. Mais c'est pas prévu que ce soit une James Bond girl, à la base. Si. Enfin, c'est toujours, à un moment, ça peut être un homme. Après, dans le dernier film, c'est 007, c'est une femme. Il y a eu un dernier. Il y a eu un film. Oui, mais le dernier avec Daniel Craig, ouais. Oui. Tu l'as jamais vu? Non. La fin est marquante. Hein. Ah bon? Tu peux le dire ou pas? Non, on le dit pas parce que. Ouais, vas-y, dis. Vas-y. Bah, James Bond meurt. Non, ils ont fait ça. Si. Ils ont osé. Voilà, c'est pour ça que ça sera pas Daniel Craig. Mais il meurt et à la fin, il y a marqué quand même James Bond reviendra. Zéro Zéro reviendra, bah oui, parce qu'ils vont. Reviendra, on aura un variant. Ils vont rebooter tout. Un variant, t'imagines toi. Il va venir de notre terre. Voilà. Il y a Loki qui va arriver, il y a un variant de James Bond dans le TVA. C'est ça. Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué qui concernent Loki? Alors moi j'en avais noté deux qui m'avaient pas. C'était la mort de Loki, comme avait dit Amandine. Ça qui marque, qui est froide, sèche, qui dure 10 secondes. Voilà. Et la fin de la saison 2 où Loki est devenu le gardien des histoires. Voilà, c'est vraiment les deux événements qui ont. Alors c'est un événement du MCU, un événement de la série. Voilà. Olivier, est-ce que toi t'as d'autres éléments qui t'ont marqué? Ben moi le truc qui vient comme ça, c'est un truc drôle. On en a parlé avant l'émission. C'est la fameuse scène avec Hulk. Mais c'est la scène humoristique où en fait t'as Hulk qui prend Loki qui le secoue dans tous les sens. Ah oui, qui prend Loki qui le secoue. Ouais. Ça m'avait marqué. Oui. En plus, il le fait. En plus, t'as Loki qui se relève et qui fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien capté. Ça m'a fait beaucoup rire. Et après, de scènes marquantes, en fait, ça sent toute marquante avec lui. Dès qu'il apparaît à l'écran, il est inquiétant. Tu sais pas comment il va réagir. J'ai pas de. Oui, il y a la fameuse scène finale, effectivement, de la série, de la saison 2. Mais sinon, tout est marquant, je trouve. Dès qu'il est. Il habite tellement l'écran que. Et puis, toutes ces scènes sont importantes, pratiquement. En tout cas, dans les films. Ou dans la série aussi. Oui, mais dans la série, c'est un peu plus dilué. Ouais. Donc y a... Amandine et Pauline, alors vous, est-ce qu'il y a d'autres scènes qui vous ont marqué avec Loki? Moi, j'aime toutes ces scènes. Bah, toutes les scènes humoristiques. J'ai cru que tu allais dire moi, j'aime que l'acteur. non, mais toutes les scènes humoristiques, je pense que c'est vraiment ce qui fait le personnage. Enfin, moi, c'est ce que je préfère, tu vois. Je veux dire, il y a des fois sur YouTube moi, ou sur TikTok, j'adore regarder je tombe sur des vidéos de des scènes des films Marvel de Loki qui sont humoristiques, tu vois, et je trouve que c'est incroyable. Je vois, le personnage est incroyable. Si, je pense à une scène qui m'avait marqué, moi, c'était, tu sais, c'est la scène qui revient en boucle avec le TVA. Où il avait coupé les cheveux de Sif. Oui. Ah oui. Mmh. Et tu sais, alors par contre ça c'est vraiment dans la mythologie nordique. Oui. C'est vraiment et en fait il revit en boucle cette scène là. Et c'est là où tu te dis il se rend. Au début pour lui c'était un truc drôle voilà. Puis en fait au fur et à mesure du temps il se rend compte que en fait c'était un acte terrible pour elle quoi. Ouais. Enfin, c'est là où tu vois que en fait au final il commence à réfléchir. Voilà. Voilà. Bah donc voilà pour Loki, voilà, Titano, petit Loki, tranquille. Voilà, c'est pas, on a quand même un super vilain bien marquant et un super vilain devenu super gentil. Voilà. Enfin oui normalement. Voilà. voilà. Le dernier c'est Ultron. Navré, je sais que vous avez de bonnes intentions, mais vous ne les mettez pas à exécution. Vous voulez protéger le monde, mais vous ne voulez pas qu'il change. Comment sauver l'humanité sans lui permettre d'évoluer? Il n'y a qu'un chemin vers la paix. L'extinction des Avengers. Voilà, alors Ultron, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on ne l'a vu qu'une fois dans Avengers, l'ère d'Ultron. Mm. Voilà, c'était le deuxième Avengers, à mon souvenir. Qui n'est pas terrible, d'ailleurs, je trouve. Tu n'as pas trouvé terrible, toi? Non, j'ai pas, le film, je l'ai pas. Oh, il se regarde quoi, il est pas... Oui, ça se regarde. Ouais, c'est pas le meilleur. Non. Ah oh, ouais, t'as pas aimé avec l'arrivée de Wanda et son frère? Moi aussi. Ouais. En fait, c'est Ultron en lui-même. Moi, j'étais mal à l'aise. C'est un méchant qui m'a rendu. Il fait flipper un peu quand même, tu vois. Enfin. C'est un robot, je sais pas, ça touche à tout ce qui est robotique, intelligence artificielle et tout. Et ça fait flipper quand même, tu vois, je veux dire, c'est, je sais pas. Justement. C'était pas très à l'aise. C'est une intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle qui a été conçue par Tony Stark et Bruce Banner qui avait comme idée d'un. Qui était programmée pour maintenir la paix entre les humains. Voilà. Mmh. Et malheureusement, ça a mal tourné. Comme je dis, c'était un peu flippant puisque rapidement, Ultron voit sa programmation corrompue, entre guillemets, et il croit en fait que l'humanité elle-même est sa propre menace, en fait. Et donc, du coup, il veut nous tuer. Parce que pour lui, le seul moyen de sauver l'humanité, c'est de l'éteindre. Si je me trompe pas, c'est ça. Hein, oui, ouais, ça. Dans les MCU. Donc, on est sur le même esprit que comment le même. De Cotanos, voilà. Parce que, non, voilà. Lui, mais il veut réparer les. Il veut que le monde soit peuplé de machines. Oui, oui, oui, parce qu'il s'est expliqué, oui, comme j'ai dit. Ça fait penser, t'as un petit côté Matrix, un côté Terminator. Ouais, Terminator, oui. Ouais, c'est du vu en science-fiction, ça a été beaucoup fait. Ouais. Bon, vous, ce super vélo vous a pas forcément marqué, alors? Non, moi, pas du. Il m'a pas fait peur, il m'a pas. Ah, la robotique, ça fait flipper quand même, hein. Non, je sais pas, je trouve pas effrayant, justement. C'est l'ensemble du film. Hein. En plus, je trouve que l'ensemble du film, c'est pas que lui, que qu'à Ultron, je trouve qu'il est très, très en dessous du. C'est le deuxième Avenger, c'est ça? Oui, c'est le deuxième. Ouais. Très en dessous du premier, à tous les niveaux, en fait. Même le climax final, j'ai pas du tout aimé. Est-ce que c'est parce que ça t'a gêné, est-ce que c'était une machine ou est-ce que ça t'a... Non, pas du tout. J'ai l'impression que ça vous gêne plus parce que c'est un robot. Non, l'idée était bonne. Je trouve que c'est la réalisation, le scénario, l'histoire. Enfin, c'est mal amené. Enfin, j'ai pas détesté. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais j'ai pas. Tu vois, la sorcière rouge. Je trouve que dans ce film-là, elle est pas sympathique. Donc tu t'y attaches pas. Son frère, j'étais tellement marqué par la version. Ça me fait penser à, tu sais, je sais plus comment il s'appelle, celui qu'on voit dans X-Men, la fameuse scène. Ah oui. Je préférais cet acteur-là, donc du coup. Ouais, cet acteur, il est exceptionnel. Donc, non, j'ai Ultron, je trouve que c'est pas un mauvais film Marvel, mais c'est pas le meilleur, loin de là. Il est anecdotique pour moi. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Parce que moi, en fait, ça a marqué le début des tensions entre les Avengers. En fait. T'avais dans le premier. Parce qu'en fait, il a divisé quand même Ultron. Parce qu'il y en a qui voulaient Captain America, il en voulait pas de base. C'est Tony Stark qui divise. Donc, comment. Pour moi, on est. On est quand même dans un méchant qui a quand même eu un impact sur les Avengers. Oui, tout à fait. Parce que pour moi, c'est pas. Pour ça que pour fait, moi, même si effectivement c'est pas le meilleur, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pas le meilleur Avengers, il reste quand même marquant pour l'histoire, enfin pour les différentes phases du MCU. Quoi. Le seul truc qui m'a marqué, en fait, c'est il détruit Jarvis. Ah, oui. Il y a Vision après. Voilà, c'est ça. C'est un mal pour un bien. Oui, il voilà. Y a Vision après. Et Vision est un personnage que les gens aiment bien de manière générale. Mais, Relativisons. Bon, ça pas non plus, c'est pas non plus un super héros qui nous a réellement marqué, je suis d'accord avec vous, mais moi, ce qui m'a plu, c'est. Dans ce film-là, c'est qu'on a retrouvé les Avengers. J'étais toujours content quand je les revoyais tous ensemble. Voilà. Et c'est le début des tensions. Voilà. Jusqu'à il a commencé vraiment à être tendu. Voilà. Alors, moi, j'avais noté deux événements qui m'avaient un peu marqué avec Ultron. C'est sa confrontation avec Vision. Parce qu'il y a une bagarre, en fait, entre lui et Vision dans les airs. Voilà. Au-dessus de l'église. Voilà. Et moi, m'avait marqué cette scène-là. En fait. T'avais tout le monde qui se battait en bas, et puis. Et puis lui en haut. Et une autre scène aussi qui m'avait marqué. Alors, ça, c'est plutôt dans la série What If. Parce qu'il est dans la saison 1 où justement il a récupéré toutes les pierres de l'infinité. Et il se rend compte qu'il y a Watu. Voilà. Et donc, du coup, il dit, voilà, il y a d'autres univers. Et du coup, il va essayer d'aller dans d'autres univers. Voilà. Alors, c'est pas du coup dans le film, du coup, c'est dans What If. Oui. Je sais pas si, pour ceux qui ont vu la What If saison 1... Oui, c'est ça, bon, viens, maintenant. Oui, voilà. Voilà. Mais bon, après, on n'est pas sur des événements effectivement marquants, parce que c'est pas non plus, comme tu dis, un film qui a marqué. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est pas un film qui m'a globalement marqué. Non, non, pas celui-là, c'est vrai. Les Avengers, c'est celui que j'ai le moins aimé, celui-là. Où ils sont tous ensemble, je veux dire. Ouais. Par rapport aux autres, je trouve que, ouais. Oui, En plus, ces genres de méchants, en fait, c'est ce que j'appelle moi des méchants un peu précaires, quoi. Tu l'as sur l'épisode, oui. Après tu le revois plus, tu vois. Il arrive, il meurt. Tartanos, c'était sur le long terme. Loki aussi. Voilà. On est quand même sur des vilains. Des vilains, au fait, ils ont consacré un film de 2 heures dessus, et puis voilà, quoi. Tu sais que voilà, tu le reverras plus. Sur Ultron, on le reverra plus, je pense pas. Un peu passager, voilà. Comme ça. Ouais. Oui, comme tu dis, un peu passager. Dans les comics, il est aussi passager ou on le voit pas? Non, on le voit régulièrement. Il y a pas mal de comics, okay. Justement, qui traitent de lui. Après, ils peuvent facilement le faire revenir, hein, parce que tu peux dire qu'il est parti, une micro-partie de lui est partie sur le net. Enfin, tu vois. Enfin... Oui, on va s'arrêter même là. Si tu... Oui, mais bon, après, il est dans Watif aussi. Watif qui fait partie du MCU, du coup. Mmh. Donc, c'est pas. Il peut toujours revenir, mais bon, je pense pas qu'ils vont faire revenir. Enfin, parce que là, ils sont sur le côté, cosmique, donc du coup, je vois pas. Oui. Parce que quand tu regardes Avengers 1, ça se passe sur la Terre, à New York, avec une invasion extraterrestre. Enfin, on reste vraiment centré sur la Terre. Je vois pas pourquoi. Enfin, là, ils sont plutôt sur différentes planètes, etc. Donc, ou le cosmique, je vois pas comment ils le feraient revenir. Enfin. Je pense pas que c'est leur idée, c'est qu'ils reviennent. Je vous propose de faire un personnage bonus. Parce que je suis dessus et je l'avais préparé. Ella. Je suppose que tu es Ella. Je suis Thor, fils d'Odin. Vraiment? Tu ne lui ressembles en rien? On peut sûrement trouver un arrangement. Toi, tu parles comme lui. À genoux. C'est à moi que tu parles? À genoux. Devant votre reine. Hors de question. C'est impossible. Chérie, tu n'as aucune idée de ce qui est possible. Ah ouais. Comme la chanson, Olivier. Elle là. Voilà, bref. On chante mal. Ella. Alors, Ella, on la voit dans quel Thor? Ragnarok. Voilà. Et on la voit aussi dans What If saison 2. Voilà. À mon souvenir. Je réfléchis. Oui, on la voit aussi dans What If saison 2. Ella. Hein, oui. Pauline, t'as adoré la saison 2. Oui. Oui. Tu l'as pas vu. La voix d'Awati saison 2. Si, j'avais commencé, voilà. Mais j'ai pas accroché. J'ai pas celle-là. Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Donc, Ella, c'est la sœur aînée de Loki et Thor. Voilà, elle était avec son père. Elle était l'exécutrice personnelle de son père Odin. Elle était commandante de l'armée aussi d'Asgard. Et avec son père, ils avaient. Émis l'idée de conquérir les 9 royaumes. Voilà. En fait, vu qu'il a vu que ses motivations étaient d'aller au-delà des 9 royaumes d'Hydrasil, eh bien, puisqu'elle cherchait à avoir une conquête qui était beaucoup plus large, Odin a vu que sa fille avait un peu trop pris son rôle à cœur et donc l'a banni. Et on la voit revenir dans Thor à Ragnarok. Alors, vous vous souvenez comment elle revient ou pas? Je la vois. À... Oui, je. Ah, attendez, vous m'avez dit que c'était votre film que vous avez adoré tous les trois. Vous dites, oh, ce film était trop bien. Ben justement, entre autres, grâce à elle, ouais. Alors, non, des torts, c'est pas mon préféré. Hein. On va dire. Oui, mais vous avez dit qu'il était bien. Oh, moi, je l'ai pas aimé. Donc, voilà. Ah, là. Donc, bah, alors... Franchement, tu prends le premier tort, il est moyen. Le 2, il est catastrophique. Ah, ça va encore le 2, je trouve. Oui, ça va le 2, ouais. Le Ragnarok était meilleur que le 2, en tout cas. Enfin, moi, je trouve. Ah, il est belle. Mais ça répond à la question, comment elle revient dans le MCU? Alors attends. Je la vois revenir, en fait, à travers une fresque, là. Ah, attendez, vous m'avez dit, ouais, c'était là, j'en mens bien, Thor Ragnarok. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Hein. Moi aussi. Ça fait plusieurs années. Hein. Et l'actrice, elle s'appelle comment? Cate Blanchett. Cate Blanchett. Cate Blanchett. Blanchett. Non, elle est, alors, c'est une sublime, sublime actrice. Oui, mais en fait, t'as que des gros acteurs qui jouent dans Marvel. T'as pas un petit. Je sais pas quand elle essaye de piquer Mjolnir. Eh ben, on va laisser ça. Bah, du coup, on va laisser les gens commenter si vous vous souvenez plus. Je vous dis ça parce que je m'en souviens plus non plus. Ah je croyais que depuis avant, je me suis dit, il est en train de nous juger, parce qu'on s'en rappelle pas. Non, je suis honnête, hein, je m'en souviens plus. Comment, mais non, mais je pensais qu'elle essaie de. Faut dire à quel point il m'a pas marqué. Mjolnir, je crois. Non, elle détruit, elle le détruit. Mais elle détruit, ouais. C'est elle qui le détruit, le Mjolnir. Elle détruit le Mjolnir. Oh, je sais plus. C'est même elle qui crève l'œil de Thor. Oui. Oh mince, on va devoir regarder Thor Ragnarok encore une fois. Oh mince alors. Bah c'était dur. Hein. Moi tu pourras pas regarder ce film. Je peux te dire. Ouais. Non, c'est mort. Alors là, c'est mort. Là quand j'ai vu sur MyCanal qui disait attendez, il y a le nouveau Thor qui est machin, je vais aller zapper. Allez hop. Ah non, le dernier, je suis d'accord, mais le 4 il est franchement. Oui. Il est... Non, le Ragnarok. En fait c'est pas pareil, même si c'est le même réalisateur. Je sais pas, l'humour est dosé un peu au niveau Gardien de la Galaxie, c'est pas too much, quoi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était fait, c'était une volonté de Marvel, parce qu'ils voulaient, au départ, ce qui n'a pas réellement été fait, faire en sorte que dans le dernier Gardien de la Galaxie, Thor soit présent. Donc c'était pour que ça matche. Oui, je suis en train de réfléchir, mais je crois que je me souviens comment revient Ella. Ah, t'as regardé sur Disney Plus. Triche. Non. Dans Thor Ragnarok, c'est pas là où Odin il meurt. Tu sais où il y a Loki et Thor, c'est assez émouvant qu'ils se retrouvent en Norvège, au Danemark. Des morts là, oui, tout à fait, oui. C'est sûr. Et revient, c'est pas quand il meurt qu'elle est libérée. C'est possible. Je me rappelle plus comment elle se libère en fait, mais. Parce ouais. Que si elle, à mon souvenir. À mon souvenir, Odin meurt, ça la libère elle de sa prison, et là elle apparaît devant Thor et Loki en Norvège. Attends, voilà. Plus, ça va être vite fait. Si, c'est ça, parce que c'est ce que je voyais. Je crois que c'est ça. Il me semble, ouais. Je croyais bon, que t'avais sa pas motivation principale. Sa motivation principale. Non, j'ai pas aimé, mais ça n'empêche pas. Mais j'ai ce souvenir-là. Après, c'est sûr que j'ai faux. Hein. Mais je ne regarderai pas. Bah, je vous laisserai regarder. En tout cas, sa motivation est plutôt personnelle, un peu comme Loki. Mm-hmm. Voilà. Et on est sur une motivation qui est la vengeance. D'ailleurs, elle détruit Asgard, à mon souvenir. Au calme. Voilà. Au KLM, avec un gros monstre. Un gros. Si vous vous souvenez. Mm. Ouais. Une sorte de loup, là. Ouais. Des loups géants. Oui, elle détruit Asgard. Je ne sais pas Asgard, si c'est un loup géant. Non, c'est un loup géant. C'est un loup géant. Ah, pour moi, c'est pas un loup. C'est quoi alors? C'est une grosse bête. Ouais, mais oui, en plus, il est tellement énorme, il est plus grand que le palais, je crois, non? Oui. Je sais plus. Donc, mais et du coup, c'est la déesse de la mort, hein, c'est ça, non? Je sais plus. Oui. Dans le. Et on la reconnaissait grâce à son chapeau un peu spécial. Oui. En forme de... Ça fait très mal. Très serre. Non, ça fait très serre. Il est organique, ouais, ouais. D'ailleurs, un peu. Ça fait arbre, je trouve. Oui. Oui. Ça fait, c'est comme les branches d'un arbre. Ouais. Mais on est sur un personnage. Bon, moi, ce méchant ne m'a pas forcément marqué. Il m'a plus marqué par la violence. Oui. Par sa violence, en fait. Je la trouve extrêmement violente. C'était l'impression qu'elle n'a pas d'émotion, quoi. Du tout, exact. Ouais. Ah non, elle est vraiment, ouais, c'est le, voilà, c'est le méchant, vraiment sans cœur ni rien. Voilà, c'est ça. La motivation, c'est tuer. Voilà. Ouais. Elle a pas de motivation qu'on peut nommer noble, enfin, tu vois, appeler noble, enfin, tu. En vrai, c'est bizarre, quand même. Mais elle meurt comment déjà? Et tu vois, il m'a pas marqué. Bah, je crois que c'est avec le monstre, au final, qu'elle meurt. Je me demande si c'est pas avec le monstre qu'elle meurt. Bon, en tout cas, on n'est pas sûr. Il vous a marqué, ce méchant-là, ou pas? Enfin, moi, il m'a... Moi, c'est son extrême violence qui m'a marqué. Rien d'autre. Ouais. Enfin... Moi, il m'a marqué parce que, visuellement, je le trouve très réussi, ce personnage. Mm-hmm. Et à l'écran, elle en jette, quoi. Donc, Piquet Blanchet. Même le costume est bien, je trouve. Ouais, ouais, bien franchement. Le ouais. Mais les gens, ils rigolaient sur les réseaux parce qu'ils disaient que Loki est donc le demi-frère de Thor. Mais quand tu vois Ella qui est la demi-sœur, tu as l'impression qu'en fait, c'est Loki et Ella qui sont frères et sœurs. Et Thor est complètement à part. Ah oui, pas faux. Parce qu'ils, ils, tu vois, ils sont tous les deux en noir et vert. Ils ont le même style un peu, ouais, même style vestimentaire. Physiquement, c'est un peu, tu vois, cheveux noirs et tout. Ils sont méchants. Quoique Loki, pas sûr. Mais moi, moi, ce qui m'avait choqué, c'est son extrême violence. Et puis, tu sais, c'est ses frères ou ses demi-frères, mais pas d'émotion, quoi. Il n'y a pas de... Du tout. Il n'y a pas de... Elle se dit, c'est quand même mes frères. M'en fous, je l'ai tué. Voilà. Allez, hop. Terminé. Voilà. C'est ça qui m'a plutôt marqué, c'est cette idée que la comics, c'est la déesse de la mort. Oui, c'est la déesse de la mort. Ah bah voilà. C'est ça. Pour ça qu'elle n'a aucune émotion par rapport à ça, quoi. C'est ça. Mais bon, après, c'est limite un don, tu vois. Je sais pas comment c'est. Je sais pas par rapport aux autres méchants aussi. Souvent, t'arrives à... Je sais pas, il y a un truc qui t'intrigue, qui t'intéresse dans ce personnage, tu vois, alors que là... Je trouve qu'on a du mal, tu vois, à se dire, il y a un truc qui te plaît dans ce vilain, tu vois. C'est par rapport aux autres. Moi, j'ai eu du mal à accrocher, tu vois, avec elle. Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'elle soit liée à Thor et Loki, tu vois, essayer de faire le lien un peu avec eux. Mais j'ai pas réussi à me dire, ouais, ce vilain, il me plaît, tu vois. C'est particulier. Mais c'est pareil, c'est comme Ultron. Moi, c'est le genre de personnage, ouais, il apparaît dans un film et tu le vois plus après, quoi. C'est un peu comme le Taskmaster dans La Veuve Noire, quoi. Tu le vois, puis après, tu le vois plus. Enfin, il va revenir dans les Thunderbolts, je crois. Mais c'est pas le personnage qui va forcément marquer, quoi. Voilà. On n'est pas. Voilà. Bon, on aurait pu parler de d'autres super vilains, mais on se les garde. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées de super vilains? Il y a l'Abomination. Bah en fait je trouve que dans Marvel Agatha, à part ils sont pas c'est le problème hein. Tu prends Kang, il est pas charismatique et depuis Thanos t'as pas de super vilain emblématique je trouve dans le MCU. Il y en a que j'aimais bien qui était charismatique, c'était Ronan le Destructeur. Ronan l'Accusateur. J'avais bien aimé dans les Gardiens de la Galaxie 1. Oui mais tu le vois vraiment pas beaucoup hein. Ouais, mais ça m'aurait pas dérangé de le voir encore, tu vois. La grande question que je me pose là, c'était, tu sais, Agatha Harkness, qui était méchante dans WandaVision. Oui. Je me demande comment ils vont nous la présenter. Parce que dans la série, je sais pas. Ouais. Justement, est-ce que ça va faire comme Loki, tu vois? Oui, bah, c'est ça. Peut-être elle va être ambiguë, tu penses? Ouais, c'est possible. Il faut qu'on s'attache au personnage, il faut forcément un petit côté sympathique parce que sinon. Tu vas pas adhérer à la série, je pense. Mais sinon, moi, le méchant dans Gardien de la Galaxie, moi, j'ai bien aimé. Hein. Je vous comprends pas, là. C'est bizarre. je le trouve absolument effrayant, mais... Après, peut-être que ma vision est peut-être faussée parce que je m'étais concentré sur l'histoire de Rocket. Plus que sur le méchant, tu vois. Sur la situation de Rocket c'est que ça. Sur le méchant. Oui, c'est ça. Après, je pense que tu peux être c'est le genre de film où tu peux être absorbé soit par la situation de Rocket, soit par le méchant, soit par la relation Gamora-Starlord. Tu vois. Ouais, t'as plusieurs trucs sur lesquels tu peux t'attacher en fait. Tu peux te concentrer, c'est ça. J'étais concentré à pleurer, donc c'est un peu compliqué. Hein. Toi, tu pleures encore. Tu peux pas regarder. J'ai vu Kung Fu Panda 4. J'ai pleuré tout le long, c'était horrible. Non, mais. Je l'ai vu qu'une fois, je ne regarderai pas une deuxième fois, je pense. Je ne peux pas. C'est quoi, regarder un Galaxy ? 30 secondes, allez hop là ! Tu peux le regarder, ça te fait la même émotion. Hein. Enfin, j'ai vu une fois, ça te fait la même émotion. Bah, justement, la première scène du film, c'est le méchant qui tend la main dans la cage pour attraper Rocket. Enfin, je sais pas, moi, il est emblématique, ce méchant. Quoi. C'est... Je le trouve psychotique, mais il fait peur avec son espèce de peau là, qui lui sert de masque. Enfin, je sais pas, moi, je le trouve très réussi. En plus, mais je sais pas. On en reparlera, tu nous expliqueras pourquoi. J'aurais bien voulu aussi pour le prochain de parler d'Ego dans les Guardians of the Galaxy 2 parce que je trouve que c'est un super vilain. Et le père dans Shang-Chi aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui, il est bien aussi. Ouais. Oui, le chef des Dix Anneaux. Ouais. Oui, oui, mais attends. Et d'ailleurs, il revient dans le. Il est revenu dans. D'ailleurs, il est avec Ella dans le, la saison 2 de What If. Oui. Il fait un duo avec Ella. Bon, peut-être. Mais d'ailleurs, peut-être, tu vois Ella sur un autre visage, rien à voir avec Thor Ragnarok. D'ailleurs. Donc, il y a encore pas mal de super vilains qu'on peut traiter. Hein, c'est pas. Oui. Et c'est toujours la même question. D'ailleurs, tu parles du père de Shang-Chi, mais au final, est-ce qu'il était vraiment méchant? Tu vois. C'est ça. Ben. Comme dans, quand tu regardes Captain America et le soldat d'hiver, de base, le méchant, c'est Bucky, mais maintenant, tu vois, par la suite, mais c'est aussi intéressant de, je pense, en parler de sa transformation, son évolution et tout. On en fera un autre. C'était un épisode chill, on en fera un deuxième épisode chill. Alors, du coup. Voilà. Voilà. Bon, merci en tout cas. J'ai trouvé ça plaisant de parler des vilains, pas vous? Ça fait du bien. Mm-hmm. Ouais. C'est vrai qu'on parle à chaque fois des gentils, mais on ne parle jamais assez des méchants. Voilà, petit épisode du chill à écouter tranquillement dans la voiture. D'ailleurs, t'écoutes où les podcasts, toi, Olivier? Souvent dans la voiture, effectivement. La voiture. Et toi, Pauline et Amandine, et vous, Pauline et Amandine, vous écoutez où? Dans la voiture aussi? Moi, dans la voiture. Et sinon, quand je suis en train de faire, je sais pas, je cuisine ou un truc comme ça... En même temps. Oh, tu cuisines? Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Un petit peu, tu cuisines un petit peu? Un petit peu. D'accord. Amandine, c'est vrai ou quoi? Parce que Amandine, elle rigole, mais... Non, si elle cuisine un petit peu, ouais. D'accord. Si je crame pas la cuisine, je cuisine. Ouais, c'est ça. Enfin, fait le café, quoi. C'est faire un café, c'est pas faire la cuisine. Hein. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Chill sur les super vilains, je trouvais ça super intéressant. Ça fait du bien de parler d'un thème des super vilains, ce qui change un peu de faire que des films à chaque fois ou que des séries. C'est plutôt sympa. On va en faire un deuxième parce qu'il y a tellement de super méchants encore à voir. Il y a Ego, comme on a dit, il y a Ronan, il y a Dormammu. On n'a pas fait Dormammu. Oui, Dormammu. Qui est un gros personnage. On n'a pas fait Kang. On n'a pas fait l'évolution. Hein, je veux le faire. Hein. Et le maître de l'évolution. Ah oui. On va te le garder, t'inquiète pas. Je vais l'appeler quand ça parle des super vilains, partie 1. Ça te va? Comme ça, on va faire voilà. Partie 1 sur 4. C'est ça. En tout cas, merci à vous trois. Olivier, on te retrouve sur YouTube, sur Olive in Wonderland. Tout à fait. Exact. Voilà. Les filles Amandine et Pauline sur TikTok. Allez voir la vidéo de TikTok de Pauline où elle ouvre une gourde. Et une vidéo TikTok d'Amandine où elle explique qu'elle a trop peur d'aller dans la tour de la terreur et qu'elle préfère rester assise à côté à attendre sa sœur revenir de la tour de la terreur. Voilà. Sur ce, merci à vous trois. Je mettrai vos liens sur la description. Même celui d'Amandine, parce que j'ai réussi à avoir ton TikTok, du coup. Donc maintenant, voilà, je l'ai. Sur ce, merci de votre écoute. Merci à tous. Bye.